Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 24 novembre 2017. Voici les grands titres de cette édition. La Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu, demande au gouvernement d'annuler le gel des annales sur les salaires des fonctionnaires de l'État et lui demande d'appliquer les mesures convenues entre ces deux parties. Vous entendrez à ce propos le secrétaire général de la Kosibu, Authentique Nishimwe. Et l'Association de défense des droits des enfants, Sogé Paillé, s'insurge contre la violence faite aux enfants après l'amputation ce jeudi à Gitega des poignets de deux enfants surpris en train de voler des maïs. Le porte-parole de cette association réclame des sanctions exemplaires à l'endroit des auteurs de ce crime. Et dans le reportage du jour, nous parlerons des difficultés rencontrées par les commerçants de Makamba sur la frontière entre le Burundi et la Tanzanie dans leur travail de commerce transfrontalier. Et dans la chronique environnement aujourd'hui, il est question de la régionalisation des cultures, ce qui est faisable selon le directeur de l'association INADES Burundi, Richard Sahingouf. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bonjour. La Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu, en sigle, déplore la non-application des mesures sur lesquelles l'État du Burundi et les syndicats se sont convenus à propos de la question relative au gel des annales. Authentique Nishimwe, secrétaire général de la Kosibu, demande au gouvernement d'annuler ce gel des annales sur le salaire des fonctionnaires de l'État. Suivez Nishimwe Authentique. Les responsables syndicaux ont déploré la mesure du gouvernement qui a suspendu les annales et les primes et indemnités conjoncturelles des gens du secteur public. Donc, à l'issue de la réunion, le syndicat demande au gouvernement de revoir la mesure et d'octroyer à partir de janvier 2018 les annales et les primes et indemnités conjoncturelles comme il le faisait. En fait, la réunion du comité confédéral a constaté, d'ailleurs ce n'est pas la première fois, le constat d'abord a été fait en 2016 au mois de février, c'est là où les syndicats de la Kosibu ont adressé une correspondance à son excellence monsieur le deuxième vice-président de la République. Et cette autorité a confié la question au comité national de dialogue social et ce comité a mené une médiation entre la Kosibu et le gouvernement. Il y a eu un compromis sur lequel on a abouti, mais ce que nous condamnons c'est que le gouvernement ne veut pas appliquer le constat ici du dialogue social. Donc, cette question du gel des annales est garantie par le code du travail et les conventions internationales de l'OIT, notamment la convention 100 et la convention 98. Le syndicat, donc, ne comprend pas pourquoi le gouvernement tarde à supprimer cette mesure injuste et illégale. Donc, on demande au gouvernement de revoir cette mesure et de nouveau accorder les primes, les annales et indemnité conjoncturelle à tous les travailleurs du secteur public. Authentique Nishimwe, c'est le secrétaire général de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu. Sécurité, trois personnes sont mortes et trois autres blessées la nuit dernière dans des circonstances différentes en province Bururi. Selon les informations obtenues des témoins et confirmées par la police à Bururi, deux sont mortes sur la colline Burunga de la commune Bururi vers minuit lors d'un glissement de terrain sur leur maison. La troisième personne est morte dans un accident de roulage survenu à Dongeruzi, en commune Mugamba, vers 22h30 de ce jeudi. L'association Solidarité de la jeunesse chrétienne pour la paix et l'enfance au Burundi, Sogé Paillé, s'indigne contre la criminalité faite aux enfants. C'est au moment où deux enfants ont été amputés des poignets, ce jeudi dans la province de Gitega en les accusant de vol de maïs. David Ninganza, porte-parole de la Sogé Paillé, dit qu'il faudrait réviser le code pénal du Burundi pour réprimer de tels actes criminels. Il interpelle tous les Burundais à renoncer à se faire justice et de contribuer à la protection des enfants contre toutes sortes de violences dans n'importe quelle circonstance. C'est vraiment dommage. C'est une autre sorte de criminalité faite aux enfants. Des enfants qui n'ont pas de force pour se défendre. C'est une agression pour le pays, une agression pour les parents parce qu'on n'était pas habitué à citer des criminels. Déjà, c'est aussi un message vibrant, un message qui parle envers les législateurs. C'est le moment de réfléchir suffisamment comment réprimer les criminels de ce genre. Est-ce qu'avec les textes juridiques que nous avons maintenant, est-ce qu'on peut réprimer ces criminels? Je pense qu'il faut plutôt réfléchir suffisamment comment réprimer réaménager le code pénal pour qu'il y ait des répressions farouches envers ces gens-là. C'est aussi un autre message qui manifeste que certains Burundais ont encore tendance de se faire justice, alors qu'il y a des juridictions et des institutions qui sont là pour geler, pour traiter des questions en rapport avec la justice sagement et pacifiquement, conformément à la loi. Je pense aussi que ce message peut être adressé aux leaders religieux. On se pose la question aujourd'hui s'il y a des gens qui peuvent oser de démembrer les enfants vraiment. Tout cela montre que l'enfant nécessite une protection spéciale, une protection contre toutes sortes de violences dans n'importe quelle circonstance. Voilà, c'était le porte-parole de l'association Sogepaye, Solidarité de la Jeunesse Chrétienne pour la Paix et l'Enfance au Burundi, David Ninganza. Et le député Claver Ituyitungiye, élu dans la circonscription de Karusi, s'insurge contre l'arrestation de 6 jeunes qui sont aux arrêts au cachot de la zone Buhiga. Depuis le 19 novembre courant, il demande que ces derniers soient libérés et dénonce le fait qu'ils ont été relâchés ce jeudi et réarrêtés le même jour sur ordre du chef de zone Buhiga. Le député Claver Ituyitungiye a été joint au téléphone par Évariste Nzikobanyanga. J'ai suivi le dossier depuis le début. Et puis, ce qui s'est passé, il y aurait eu 2 jeunes gens qui auraient voulu violer une fille. Et puis, les jeunes qui sont des motards sont allés à l'endroit où l'acte allait être commis. Et puis, ils ont voulu intervenir. Et puis, un combat s'est éclaté entre ces jeunes. Et puis, ils ont appelé le chef de zone et même la police pour venir intervenir. Tout le monde a été conduit au niveau du chef-lieu de la zone. Et puis, ce sont les gens qui allaient intervenir, ce sont eux qui ont été, par la suite, été emprisonnés. Les informations qui nous parviennent indiquent que ceux-là qui ont été arrêtés sont des membres de Amizero Abarundi, tandis que les 2 autres étaient des jeunes Imbonerakure du CNDD-FDD. Est-ce que cela est vrai? Ça peut être vrai, mais ce qui est important, ce n'est pas l'appartenance politique. L'important, c'est que le droit de l'homme, le droit à la vie, le droit à la liberté soit privilégié pour que chacun, à ce qui le concerne, exerce son métier en toute liberté, en toute quiétude. Les mêmes informations que nous recueillons sur place indiquent que le chef de zone Buhiga aurait torturé les 6 jeunes qui sont toujours en détention. Nous avons suivi depuis le début. Le soir d'hier, les 6 jeunes qui étaient détenus au niveau du cachot de la zone de Buhiga ont été libérés. Et puis, ils ont pris le temps pour se relaxer, aller au bistrot du centre de Buhiga pour prendre un Fanta. Et puis par après, ils ont été encerclés par la police et ont été conduits par la suite au bureau de zone pour être incarcérés. Tard dans la nuit, l'un parmi eux a été battu. C'est tard dans la nuit vers 23h que ces gens ont pu être incarcérés. Nous continuons à suivre. Donc ce genre de torture pour des gens qui sont innocents, donc je pense que c'est hors la loi. Donc okay, comme je l'ai dit, la dignité humaine doit être préservée avant tout. Le député Claver Ituyitungiye, le chef de zone Buhiga, n'a pas voulu s'exprimer sur l'emprisonnement de ces jeunes. Focas Sindaruhuka, à la fois président du parti CNDD-FDD en commune Buhiga, a indiqué hors micro que le cachot de la zone qu'il dirige regorge de plusieurs personnes poursuivies et donc qu'il lui serait difficile de les différencier. Il est 13h05 à Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Certains habitants de la capitale Bujumbura demandent aux participants au prochain rendez-vous du dialogue interburundais à Arusha de mener un dialogue qui pourra aboutir à une paix durable. Suivez-les au micro-baladeur de la rédaction Isanganiro. Nous sommes heureux de cette émission que nous avons entendue. Ce que nous demandons, nous, les gens du Burundi, et nous voulons vivre dans le pays qui est plein de la paix. Nous demandons à notre politicien de dialoguer sans problème. Je leur demande qu'ils cherchent convenablement une paix durable pour que notre pays soit en sécurité, que ça soit dans tous les domaines, se déroule normalement et que la population burundaise va comme à l'accoutumée et que nous trouvons de la paix durable. Nous voulons tout simplement une paix pour que nous ne puissions pas se trouver dans l'insécurité interminable. Nous demandons à ces politiciens burundais qu'ils partent à Arusha pour négocier une issue favorable à notre crise burundaise, qu'ils partent avec un esprit de collaboration. Et pour ça, il faut qu'il y ait un consensus, c'est-à-dire un compromis, pour que nous puissions arriver à une paix durable. Nous, la population burundaise, nous voulons une paix sincère pour que nous puissions travailler à l'accoutumée et que les aides étrangères aussi viennent pour combler les lacunes budgétaires auxquelles nous vivons à ces jours-ci. Aussi, si chacun ose parler avec franchise, nous arrivons à une solution. C'est ce que nous demandons à nos politiciens pour qu'ils partent avec un cœur brisé, un cœur de collaboration au lieu de camper sur leur position. Moi, je suis sur cette position. Moi, je demande à ceux qui vont y participer de nous amener une solution des problèmes qui résident dans notre pays burundais. Nous aussi, nous demandons qu'ils y participent en amenant les idées des peuples burundais qui vont la paix sur notre territoire. Voilà, c'était les attentes de quelques habitants de la capitale de Bujumbura sur le prochain rendez-vous du dialogue inter-burundais prévu à Arusha. Et 63 dossiers de candidature ont été remis à la commission parlementaire qui sera chargée de les analyser afin de retenir trois commissaires de la commission Vérité et Réconciliation. Alexis Badian-Dayimbazé, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, indique que 9 personnes qui auront été retenues seront présentées en plénière afin de voter 3. Il dit également que le rapport de la commission est prévu avant le 15 décembre de l'année en cours. Suivez Alexis Badian-Dayimbazé. L'Assemblée nationale avait lancé un avis d'appel à candidature de 3 commissaires de la commission Vérité et Réconciliation, CVR, en sigle. Et comme il y a 3 commissaires qui sont partis, aujourd'hui, il y a une malle dans laquelle les dossiers de candidature devraient être déposés. Les dossiers déposés, au total, ils sont au nombre de 63. Et aujourd'hui, alors, le bureau de l'Assemblée nationale, vous avez aussi vu qu'il y avait le deuxième vice-président du Sénat, du Burundi, et qui vient de remettre tous les dossiers à la commission ad hoc mise sur le pied pour pouvoir procéder à toutes les procédures nécessaires afin que les candidats qui le méritent puissent être présentés à la séance plénière. 9 candidats seront présentés en séance plénière pour que les députés puissent voter 3 membres qui vont remplacer ces 3 commissaires qui sont partis au sein de la commission Vérité et Réconciliation. Le dernier rapport alors est attendu avant le 15 décembre 2017. Alexis Badian-Dayimbazé, porte-parole de l'Assemblée nationale. Les assistants de l'Université du Burundi s'indignent contre la façon dont est organisé le deuxième cycle de l'école doctorale à cette institution. Dieudonné Butoyi, présidente du Collège des assistants, indique qu'être assistant leur donne le droit d'accéder aux études du deuxième cycle sans passer un examen d'entrée. Dans un communiqué sanctionnant l'Assemblée générale du dit collège, ils demandent la prise en charge des frais académiques, comme cela est le cas pour leurs collègues qui suivent le même programme à l'étranger. Suivez. Au moment où le deuxième et le troisième cycle sont ouverts à l'Université du Burundi, nous avons constaté que la loi qui régit le deuxième cycle ne dit rien par rapport aux enseignants de grade d'assistant et de maître assistant qui doivent suivre la formation sur place. Ici, je dois dire que cette loi, à son article 46, dit qu'on devra faire le concours pour accéder à ces programmes de master. À ce niveau, il suffit que l'employeur et le ministère de tutelle définissent comment les assistants et les maîtres assistants accéder au programme de master et à l'école doctorale, surtout que c'est un droit déjà acquis. Deuxièmement, c'est au sujet des frais académiques. Les assistants et les maîtres assistants de l'Université du Burundi constatent avec amertume qu'il s'agit de 2.2 mesures en leur imposant le paiement de ces frais dans la mesure où leurs collègues qui suivent la formation en étranger sont supportés par l'employeur, si vous voulez, par le gouvernement. Nous ne demandons pas que si nous faisons la formation sur place, l'État nous donne la bourse comme d'habitude. Mais tout au moins, notre employeur et le ministère de tutelle doivent supporter ces frais académiques pour nous considérer de la même façon que ceux qui suivent la formation à l'étranger. Troisièmement, les assistants et les maîtres assistants de l'Université du Burundi occupent plus de 50% du personnel enseignant de l'Université du Burundi. Les assistants et les maîtres assistants alors demandent à l'employeur et au ministère de tutelle de préciser les modalités de garantie quant à l'organisation des enseignements qu'ils dispensent ainsi que celles liées à leur survie au cours de la formation locale. Voilà, c'était le président du collège des assistants de l'université du Burundi, Dieudonné Boutoyi. 2% des jeunes seulement qui terminent leurs études au Burundi peuvent être embauchés, à part quelques-uns qui embrassent le secteur informel. Le reste sont des chômeurs qui constituent un danger pour le pays, et ce qui a poussé le FINUAP et l'association Rapide Action a organisé une rencontre d'échange des représentants des opérateurs économiques, des jeunes des provinces du nord du Burundi et de Gitega, ainsi que les hauts cadres de l'État, pour voir comment faire face à ce chômage, surtout dans ces provinces les plus densément peuplées du pays. Dongozi, nous appelons notre correspondant Apollinaire Muzagara. Comme l'indique Jean-Jacques Quibera, expert du FINUAP, la question du chômage des jeunes au Burundi inquiète plus d'un. Selon cet expert, les enquêtes menées montrent que seulement 2% des jeunes qui terminent leurs études pourraient avoir du travail. Et presque le reste sont des chômeurs. Cette situation s'accentue du jour au jour par les effectifs de l'ESE, de l'oreillette de l'école fondamentale qui ne cesse de gonfler chaque année son taux de chômage. Je rappelle que l'année 2015-2016, plus de 8000 jeunes de l'école fondamentale n'ont pas poursuivi les études et sont donc rentrés à la maison. Jean-Pierre Quisera de cette organisation des Nations Unies prouve cette crainte par le fait que sur environ les 11 000 Burundais, 65% sont des jeunes, donc tout ce qui ne produisent pas. Les jeunes sont employés, c'est tout le pays qui décollera, explique-t-il. Il ajoute néanmoins qu'on ne peut pas rester les bras croisés. Face à cela, le FINUAP et l'association Rapid Action ont confronté ce vendredi à Ngozi les représentants des jeunes, deux des opérateurs économiques des provinces du nord du Burundi, à Gitega, ainsi que les hauts cadres de l'État burundais, pour débattre de la question en vue de trouver remède à ce chômage, particulièrement dans ces provinces à forte concentration humaine. Dongozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Toujours dans les nouvelles des provinces, les riziculteurs de la plaine de Moussigny en commune Manda dans la province de Bubanza s'inquiète d'une nouvelle maladie qui attaque cette plante et pense qu'ils n'auront rien récolté si rien n'est fait dans les meilleurs délais. À la Société régionale de développement de la plaine de Limbo, SRDI, on indique qu'on est en train de voir comment lutter contre cette maladie. Space Caritas Kabanyana. À la 7e transversale de Moussigny en commune Manda, 3 hectares de champs de riz sont déjà ravagés par cette maladie non encore identifiée jusqu'à présent selon les responsables agricoles de la localité. Les riziculteurs contactés indiquent que cette maladie se manifeste également dans la plaine de Gihanga et Muzinda et s'inquiètent qu'ils ne vont rien récolter si rien n'est fait dans les meilleurs délais. La question concernant cette maladie a été également évoquée ce mardi au cours d'une réunion de sécurité qui se tenait à Moussigny dans la même commune de Manda. Selon les responsables agricoles, elle se manifeste au niveau de la floraison. Les épis se rétrécissent et les graines pourrissent avant qu'elles ne soient mûres. À la Société régionale de développement de la plaine de Limbo, SRDI, on explique que cette maladie a attaqué les champs se trouvant en dehors du périmètre de cette société. Jean Kennedy Samaniro précise qu'ils sont en train de voir de quelle maladie il s'agit afin de protéger d'autres plantations rizicoles. Space Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Space. Et savoir les conditions d'adhésion à une association ainsi que leurs droits, tels sont les quelques aspects du règlement qui devra régir désormais le métier des transporteurs des biens et des personnes à l'aide des vélos. Emmanuel Nimbona, représentant légal de l'association Sota Vebou, nous a fait savoir que cette réglementation vient pour développer le métier du taxi-vélo. Il a ajouté que les membres de son association ont auparavant rencontré beaucoup de difficultés, y compris le non-respect du code de la route. À la source, reportage. Le reportage du jour nous conduit sur la frontière burundo-tanzanienne de Mugina en province Makamba pour parler des échanges commerciaux entre les marchands burundais et tanzaniens. Les commerçants burundais disent qu'ils importent plus de produits qu'ils n'exportent. Et l'une des difficultés que nous racontent ces commerçants est qu'ils sont obligés de se rendre au chef-lieu de la commune Mabanda pour s'acquitter de leurs taxes, alors que ce service devrait être opérationnel à la frontière. L'administrateur de Mabanda, Laetitia Niyonguru, promet que cette question trouvera solution. Aubin Niyonguru s'est rendu à Mugina pour nous. Voici son reportage. Nous sommes sur la frontière burundo-tanzanienne à Mugina, en province Makamba, au sud du pays. À moins de 200 mètres, on s'aperçoit les montagnes de la province de Kigoma, en Tanzanie. Les habitants de Mugina affirment qu'ils n'ont aucune difficulté à traverser la frontière, même sans documents. Nous nous rendons en Tanzanie à pied. On n'exige pas laisser passer pour nous qui habitons tout près de la frontière. Des mouvements de va-et-vient des gens qui se rendent en Tanzanie se font remarquer sur cette frontière. Certains des Burundais parlent aisément la langue Guiha parlée de l'autre côté de la frontière, ce qui facilite leur communication. Un des habitants nous dit que les Burundais importent beaucoup plus de ce pays qu'ils n'en exportent. Vital Ndaisenga, un des commerçants rencontrés, nous décrit les produits que les Burundais se procurent en Tanzanie. Nous importons la bière de banane, les bananes, du sel, ainsi que le riz, les graines de maïs pour les consommations. Il y a aussi certaines boissons comme marque. Cet habitant de Mugina dit qu'il y a certains produits dont la Tanzanie a interdit la sortie, dont le maïs. Par exemple, ils refusent d'importer le maïs, le riz ainsi que la farine de manioc. Jean Bosco Nindereye, un autre commerçant burundais, se rend souvent dans la localité de Manyovu. Il dit qu'il trouve facilement les shillings tanzaniens, mais souligne qu'aujourd'hui, le franc burundais a beaucoup chuté par rapport aux shillings tanzaniens. Notre monnaie a trop chuté. Pour avoir 700 shillings, tu dois avoir 1000 francs bou. Avant, avec 1000 francs bou, on obtenait 1150 shillings ou plus. Lewis Nduimana dit que leur principale difficulté est qu'ils sont obligés de se rendre au chef-lieu de Mabanda à 17 km pour payer les taxes. L'administrateur de Mabanda, Laetitia Niyonguru, dit qu'il ne s'agit pas d'un grand défi, mais que cette problématique est connue. Ça pourra trouver solution, mais je ne peux pas vraiment donner des délais. Je pense que les services concernés, les techniques concernés, et aussi ils voient la question, et ils sont préoccupés de ça. Ils vont régler. Dans la réunion, cette question revient souvent. J'ai entendu parler qu'il y a un projet de construire un guichet unique là-bas à la frontière. Mais aussi, le BR leur a facilité beaucoup. Les commerçants qui amènent des marchandises, ils déclarent là-bas à la frontière. Comme ça, ils peuvent laisser les marchandises là et venir à Mabanda pour payer. Cette autorité en appelle à la conscience civique de certains commerçants qui pratiquent toujours la fraude et leur demande de payer les taxes. Radio Isanganiro Chronique. C'est la chronique environnement. La régionalisation des cultures est possible au Burundi, nous dit ingénieur Richard Sainguvu, directeur de l'association INADES Burundi. Il affirme que cette pratique a des avantages, tout comme elle a des inconvénients. Il n'est pas rassurant, selon lui, de placer des espoirs à une seule culture, pour la simple raison qu'elle est la plus pratiquée dans telle ou telle région. La chronique environnement de ce vendredi est signée Ornella Mucho. Il n'est pas aisé de trouver des palmeraies dans le Mugamba. Il y a moins ou carrément pas de pommes de terre dans Komoso. Le directeur de l'organisation INADES, Institut africain pour le développement économique et social au Burundi, explique que la régionalisation des cultures comme étant une intensification d'un nombre limité de cultures dans une région donnée, tenant compte de l'adaptabilité agroécologique de la région. Que cette régionalisation existe ou pas au Burundi, Richard Sainguvu dit oui et non à la fois. Oui, d'abord parce que, avant tout, à mon avis, puis la régionalisation, elle est naturelle. Tu ne verras pas, par exemple, quelqu'un de la région du Mugamba en train de cultiver le bananier, ou à grande échelle le bananier ou le manioc. Tu ne verras pas quelqu'un de la région du Komoso en train de cultiver à grande échelle la pomme de terre, par exemple. Il n'est pas mieux adapté à la région par rapport, par exemple, au manioc. On trouvera vraiment beaucoup de cultures qui peuvent s'adapter dans telle ou telle autre région. Ce qui est quand même aussi une richesse, comme je le disais, qui a une grande importance à la fois pour le pays. Le fait qu'il n'y a pas de culture qui s'approprie une région, là aussi Richard Saïngouvou donne ses explications. Il indique par ailleurs que c'est une richesse pour le pays. Par exemple, il n'y a pas vraiment de politique agricole au Burundi qui impose une ou deux cultures seulement dans une région X. La régionalisation des cultures présente à la fois des avantages et des inconvénients. Des explications, encore une fois, de Richard Saïngouvou. Ceux qui défendent la régionalisation culturelle, dans leur entendement, ils mettent en avant la productivité. Donc l'avantage pour eux, c'est que bon, si tu te concentres sur une culture, tu y mets d'abord toute ton énergie, toute l'importance que tu as, et puis bon, ça augmente la production de manière générale, et ça permet d'avoir un excédent commercialisable. Par contre, la régionalisation, elle est soumise à beaucoup de risques. Je te donne un exemple. Vous avez suivi très récemment la maladie de la mosaïque et du manioc. Imaginez-vous qu'une région X avait été imposée de cultiver rien que le manioc. Donc ça aurait été catastrophique. Pour M. Saïngouvou encore, la régionalisation des cultures en soi est une bonne chose, mais il faut prendre des précautions. Il le dit en tant que quelqu'un d'une organisation œuvrant de la promotion d'une agriculture familiale. On peut promouvoir ou développer, mettre beaucoup plus d'importance sur une culture que d'autres dans une région X, mais c'est bon aussi de laisser aux paysans ou à l'agriculteur aussi l'opportunité de garder les autres cultures, soit en rotation avec la culture principale que le gouvernement veut promouvoir, mais aussi soit en association avec d'autres cultures, avec un appui à ces producteurs sur le choix des associations compatibles. À part qu'il est conseillé de faire une diversité de cultures en vue d'avoir même une alimentation équilibrée, le numéro 1 de l'UNADES Burundi fait savoir qu'à force de toujours mettre une même culture à un espace donné, ça détériore aussi le sol. Merci Ornella, merci ingénieur Richard Saïngouvou pour ces éclairages sur la régionalisation des cultures, ce qui est possible au Burundi. Et c'est sur cette chronique environnement aujourd'hui que nous mettons fin à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Jean Dodieu Ndaïsenga pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Ndouimana, un bon après-midi.